Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire « Les enfants du paradis » quand le chef-d'œuvre de Marcel Carné se bute à la censure de Maurice Duplessis. On a tout fait, on est allé voir des autorités supérieures, c'était le régime Duplessis. Rien à faire. La nouvelle se répandait que les étudiants voulaient passer un film cochon. Quand un groupe d'étudiants de l'Université de Montréal, dont fait partie André Lucier, qu'on vient d'entendre, décide de présenter le chef-d'œuvre de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis, lors d'une soirée de gala organisée à l'Université en 1947, ces étudiants se butent à un refus catégorique du bureau de la censure de l'époque. Les Enfants du Paradis ne sera autorisé sur les grands écrans du Québec qu'en 1967. Quant à l'épisode de censure de 1947, il se transformera en véritable incident diplomatique, en plus de représenter l'un des plus flamboyants exemples de censure de notre histoire au cinéma. Le producteur qui m'avait engagé pour 3 films, et pour lesquels j'avais déjà fait Les Visiteurs du soir, m'a dit: Marcel, compte tenu de l'argent que je vais gagner avec les visiteurs, je veux vous fassiez un grand film, une grande fresque. Alors on a cherché beaucoup avec Prévert, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis, on a une rencontre avec Barreau, nous a mis un peu sur la piste, nous a parlé de bureau, nous a mis sur la piste. Et c'est comme ça qu'on a entrepris le scénario des Enfants du Paradis. Je me suis penché sur la margelle d'un puits. Nous étions plusieurs à la regarder. J'étais seul à la voir. Oh, Baptiste, tu rêves encore et tu te moques de moi. Mais non, c'est la vérité. Que veux-tu que je te dise de plus? Je l'ai revue par hasard aujourd'hui, elle m'a donné cette fleur. Pensez qu'on occupait tous les studios à Paris à un moment. On a occupé tous les studios de Paris pour tous les décors. Et on a loué un immense garage pour faire un magasin à costumes. Vous vous rendez compte, 2000 figurants dans le carnaval. Marcel Carné racontant les circonstances dans lesquelles naîtront les Enfants du Paradis à l'émission Palme d'Or en 1988. L'histoire des Enfants du Paradis commence chez nous par une formidable histoire de censure. Pour nous raconter cette histoire, le critique professeur de cinéma Yves Levert, auteur d'une récente biographie de Claude Jutras, aussi auteur de l'histoire générale du cinéma au Québec et du dictionnaire de la censure au Québec. Yves Levert, bonjour. Bonjour. On va parler de cette histoire de censure qui va virer à l'incident diplomatique tout au cours de cette émission, mais commençons quand même par situer un peu ce chef-d'œuvre de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis. Rappelez-nous d'abord, Yves Levert, dans quel contexte, parce que déjà, c'est une histoire en soi, dans quel contexte est tourné ce film? Alors, c'est le 6e film du duo Prévert et Carné. Ils ont commencé à travailler ensemble en 1936. Prévert est venu au cinéma quand le cinéma est devenu parlant. Comme c'est un homme de parole, vous savez qu'il est très célèbre pour un recueil de poèmes qui s'appelle « Parole », ouais, publié en 1946. Alors, c'est la parole qui intéresse Prévert avant tout. Alors, c'est pour ça que dans tous les films, on a plein de mots d'esprit, de ouais, toutes sortes de jeux de mots, et c'est très poétique. Ensemble, ces deux-là font de ce qu'on appelle le réalisme poétique. Oui. Avec des personnages, généralement du milieu ouvrier ou du petit peuple, mais à qu'ils mettent dans des situations qui vont les transformer. Mm-hmm. Puis tout ça va devenir très, très poétique. Et ce film-là, il est tourné en pleine occupation. Oui, ils ont commencé en 1943, à l'été, mais à Nice, sur la Côte d'Azur. Et après, ils s'en viennent en 1944 à Paris pour terminer le film. Mm-hmm. Mais ce qui est extraordinaire quand on voit le film, parce que tout se passe dans ce qu'on appelle le boulevard du crime, qui, au fond, c'est le boulevard du temple à Paris, qui existe toujours, sur ce boulevard-là, il y avait beaucoup de salles de théâtre, ouais, et des clubs, et c'est le lieu, donc, d'une certaine perversion quand on pense à l'histoire du théâtre. Et ça, c'est la toile de fond. C'est la toile de fond. Et on a comme personnage principal, Garance, qui est une jeune femme très libre, qui couche avec qui elle veut. Elle vit de petits larcins. Elle est là, on ne sait pas où juste où elle va demeurer, mais elle a une aventure avec 3 personnes dans le film, et surtout avec le personnage principal masculin, un mime, mm-hmm, avec qui elle va avoir la partie la plus belle dans la deuxième partie du film. Oui, parce que c'est un très long film. C'est un très long film, en deux parties, effectivement. Comment est accueilli le film quand il sort en France? Ah, c'est un succès immédiat. Quand il sort en avril 45 en France, énorme succès. Mais tout le monde dit tout de suite, c'est un film carrément immoral. Oui. Parce que le personnage féminin, et lui, n'a pas de moralité. Mm-hmm. Elle couche, elle le dit dans le film, qu'elle couche avec qui elle veut, et elle couche avec qui lui plaît, mais c'est jamais le même qui lui plaît. Ouais. Donc, grande liberté. Une très grande liberté. En plus, Arletty, qui joue le rôle, c'est presque son personnage à elle qu'elle joue. Ouais. Elle est même allée en prison, parce que, presque en liberté surveillée, parce qu'elle avait couché avec des Allemands durant la Deuxième Guerre. J.A. de Sèvres, dont on a déjà parlé ensemble, Yves Levert, qui est le principal distributeur de films au Québec à ce moment-là, voyant de quoi est fait ce film-là, il décide qu'il n'achète même pas les droits. Non. Pas à ce moment-là, mais rapidement, ils vont les acheter quand même 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, après le scandale, ouais. Parce qu'il espère que le film va pouvoir passer d'accord. quand même. Alors, comme il n'y a personne qui achète les droits, des étudiants de l'université, dont André Lucier, moi, il m'a raconté ça lui-même, puis j'ai eu d'autres sources aussi, avec le Quartier Latin, le journal des étudiants de l'Université de Montréal, ils décident de faire un grand coup. On va essayer d'aller obtenir ce film-là. Alors, avec le consulat, puis avec l'ambassade de France, ils réussissent à avoir une copie du film. Oui. Mais l'ambassadeur leur dit très clairement, je vous appuie à condition que vous ayez l'appui du recteur de l'université, mm-hmm. qui est Mgr Olivier Moreau, et qui lui dit oui. Il dit, ça va être une projection privée. Oui, c'est quelques centaines de personnes. Hein, 800 personnes quand même. C'est la grande salle à l'Université de Montréal qui existe toujours. Là. Et il dit, ça va être une projection privée. Et puis aussi, à l'université, c'est le recteur qui doit être responsable de la censure. En principe. L'immunité universitaire, c'est reconnu un peu partout. Alors, il y a beaucoup de contenus dans diverses facultés qui ne seraient pas publics, mais parce que c'est l'université, imaginez, dans les facultés de médecine, les cadavres qu'on manipule, tout ça. Alors, c'est le recteur qui est responsable de l'université. Il leur donne leur appui. Donc, appui. De mèche avec le recteur, de mèche avec l'ambassade de France qui leur fournit une copie du film. Ils font venir ce film-là à Montréal. Évidemment, il y a une étape incontournable avant d'être présenté publiquement, même si c'est devant une assemblée de 800 personnes à l'Université de Montréal. Le film doit être vu par le bureau de la censure. Il y a donc une première projection qui est programmée le matin même du jour de la projection publique prévue. Écoutez André Lucier, et là donc c'est le comité de censure qui regarde, qui scrute le film. Écoutez André Lucier, qui fait donc partie de ce comité étudiant qui a fait venir le film à Montréal, nous raconter comment se passe cette fameuse projection. Le clergé a délégué un religieux. Je peux le nommer, il est mort aujourd'hui, c'était le père Don. Alors, le film est très long, 3h15, il est divisé en deux. Il y a une intermission. Dans la première moitié, il y a Arletty qui joue le rôle principal de Garance et il y a Jean-Louis Barrault qui joue le rôle là, du mime. Tout est génial dans ce film. Et il y a un amour illicite qui se dessine entre les deux. À l'intermission, nous nous précipitons vers le père Don. Enfin, le film était tellement extraordinaire, esthétique, tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas de scène de nudité, il n'y a rien d'obscène, rien. Alors, on était un peu inquiet, mais sûr de notre affaire. Et le père donne de nous dire si dans la deuxième partie, Arletty, c'est-à-dire Garance, et Jean-Louis Barrault, c'est Baptiste, son nom dans le film, eux ne font pas amende honorable et ne disent pas qu'ils regrettent d'avoir pensé établir une liaison, je vais dire que le film ne peut pas passer. On en a presque perdu connaissance. André Lucier, à l'émission Les années noires et blancs en juin 1994, aucune scène de nudité dans ce film, rien d'obscène, dit André Lucier dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Yves Levert. Pourtant, le refus est catégorique. Pourquoi? La raison officielle, c'est écrit comme ceci. Thèse immorale et antifamiliale glorifiant l'amour libre. Et amour libre, ça voulait dire adultère. Et effectivement, il y a une scène dans la deuxième partie, il y a l'adultère entre Garance et Baptiste, les deux étant mariés d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que le film est vraiment interdit. Oui. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est le contexte dans lequel l'interdiction va être vraiment dite publiquement. Parce que le soir, les 800 étudiants sont là. Il y a des représentants culturels, un attaché culturel de l'ambassade de France. Il y a plusieurs journalistes. Et puis, un des étudiants, c'est pas Lucier qui m'a dit, c'est un autre qui vient puis dit « Ah, on ne peut pas présenter le film. Oui. La censure nous l'a interdit, mais on va vous présenter à la place. » Remarque un autre film où c'était aussi Prévert qui était scénariste. Et ça va être un tollé, évidemment, puis on va y venir, parce que c'est de là que commencera l'affaire des enfants du paradis qui va virer à l'incident diplomatique. Mais un mot encore sur le contexte de l'époque, parce qu'au fond, ce qui est fascinant, Yves Levert, c'est que c'est pas tant ce qu'on montre, contrairement à d'autres films où il y a des scènes torrides, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est le ton, c'est les dialogues qui dérangent le bureau de la censure. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle. Si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Après moi? Et vous venez à ma rencontre? Mais justement, je vous ai vu tout à l'heure. Alors vous comprenez, le choc, l'émotion, le temps de me décider. Et vous étiez déjà loin. Alors, comme j'ai horreur de suivre une femme, j'ai couru pour vous dépasser et précisément venir à votre rencontre. Et maintenant, je ne vous quitte plus. Où allons-nous? C'est tout simple. Vous allez de votre côté, moi du mien. Mais c'est peut-être le même. C'est ce libertinage, au fond, Yves Levert, qui ne passe pas les critères du bureau de censure. Même si, encore une fois, il y a peut-être une scène où on devine qu'elle se lève du lit, qu'elle est nue dans le lit, mais il n'y a pas, contrairement à d'autres films, de scène visuellement là, qui pourrait outrager le bureau de la censure. C'est ça. Nous sommes à une époque où toutes les scènes où le mot « amant » est interdit, le mot « maîtresse » est interdit dans les films, on les coupe tout simplement. Toute situation d'adultère est coupée aussi. Et ce qui va faire susciter une querelle pour des jeunes intellectuels québécois après, ce qui va dire le bureau de censure tolère une violence extrême dans le cinéma américain depuis très longtemps, les Scarface, etc. Et puis, aussitôt qu'il y a un amour romantique qui va un peu plus loin que le romantisme. Des mœurs un peu légères. Des mœurs un peu légères et que, surtout que si les gens, on s'aperçoit que finalement, ils vont coucher ensemble, alors on interdit complètement ces scènes-là. Puis il faut dire qu'à l'époque, probablement que le Québec est le champion du monde en matière de moralité et de censure au cinéma. On écoute un dernier extrait d'André Lucier, qui fait donc partie du comité étudiant qui fait venir les enfants du paradis à l'émission Les années en noir et blanc en 94. Il parle bien, justement, de la bataille qu'eux ont menée, ces étudiants, mais du contexte de ce que c'était à l'époque, ce poids de la censure. Parce que c'est vrai qu'il était question un peu d'adultère. Garance, par moments, dit dans le film « c'est facile, l'amour », avec son ton à elle. Et le père Donne et les autres membres du comité de la censure ont dit « ça, c'est presque péché de dire ça, c'est inviter tout le monde à l'adultère. C'en est fini de la famille. » Les jeunes d'aujourd'hui ont aucune idée de ce dans quoi nous étions baignés. Ils n'ont pas d'idée des luttes qu'il a fallu mener pour aboutir à ce que nous avons aujourd'hui. Alors, les enfants du paradis, c'était ça. Et c'était quoi, en quelques mots, Yves Levert? Bon, il y a l'histoire des enfants du paradis, mais au-delà de ça, ce contexte à l'époque de la censure, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Au Québec, là, des années 40, 50, 60. Ah bien, au Québec, à ce moment-là, tout film qu'on veut présenter publiquement doit passer au bureau de censure pour obtenir un visa. Alors, le bureau de censure dit oui, oui avec coupure ou bien non. Alors, beaucoup de films, c'est oui, parce que c'est des films américains surtout, et beaucoup de films ont des coupures énormes. Tout ce qui est scène de chambre à coucher est baiser un peu prolongé, mais aussi beaucoup de scènes où on va parler de politique, on va parler, le mot socialisme et communisme ne doit pas être entendu dans les salles de cinéma. Et ça va ça pendant 30 ans. Alors, c'est dans ce contexte-là que quand on a un film, des films comme les films de Prévert et Carné, où ça exploite beaucoup des thèmes comme le conflit entre la vie et l'art, la vérité et le mensonge, les apparences et la vraie vie, Ben là, c'est subtil. Même et le doute, au fond, semer le doute, oui. C'est suspicieux pour oui, voilà. La censure. Mm-hmm. Hein, douter, c'est pas permis. Est-ce que c'est un des endroits où les règles sont les plus strictes dans le monde, vous diriez, Yves Levert, à ce moment-là? Il faut penser au monde occidental ou bien à l'ensemble du monde. Non, aux États-Unis, ils sont aussi stricts qu'ici pour tout ce qui touche la sexualité, jusque dans les années 60. Mais dans les pays occidentaux, la France, l'Allemagne, etc., là, on est peut-être le plus sévère. Oui. Mais pas plus que les États-Unis. Puis évidemment, de ce qui se passe dans les pays arabes puis en Asie, c'est encore beaucoup plus sévère que tout ce qui se passe ici. Alors, on revient à notre bonne projection, à notre soirée de gala du 7 février 1947. Les enfants du paradis ne sont pas présentés. Vous aviez commencé un petit peu à nous en parler. Comment ça se passe, cette soirée-là? Alors, l'ambassadeur, l'attaché culturel de l'ambassade se lève en hurlant presque, c'est une insulte à la France, et il s'en va. Oui. Il reste. Bon, il y a la projection, mais et puis là, ben, on en parle beaucoup dès le lendemain matin. Dans tous les journaux vont en parler. Même le New York Times, quelques semaines plus tard. Oui, quelques semaines plus tard, va en parler. Des journaux en France aussi vont en parler. Alors, ce qui va être intéressant dans la suite, deux choses. Le lundi qui suit, l'ambassadeur de France envoie une lettre à Maurice Duplessis, au premier ministre Duplessis, pour lui dire que vraiment c'est insultant pour la France, que c'est méprisant pour les produits culturels français que de faire ce type de censure-là. Et Duplessis riposte tout de suite, ben, c'est vous qui êtes méprisant, que vous n'êtes pas compte de nos lois à nous. Nous, nous savons ce que nous voulons. Ouais. Et nous, ce qu'on veut pour notre peuple à nous. On se fera pas dire... On se fera pas dire par les Français quoi penser ou comment vivre. Parce que ça va faire partie de l'équation un petit peu. Tout un débat sur la censure au cinéma, mais il y a cette espèce de rapport à la France. Là, ça va être soulevé, ça. Est-ce que les Français sont colonialistes dans cette affaire des Enfants du paradis? Oui, et dans la revue Relations, qui est une revue qui est quand même très lue à l'époque... Et là, c'est pas compliqué, un éditorial qui n'est pas signé, mais qui dit « Nous refusons le libéralisme charnel qui tue la famille française et qui tuerait la nôtre. Nous sommes assez adultes pour savoir distinguer entre l'art et la pourriture de l'art. » Et ils appliquent ça, évidemment, aux Enfants du paradis. Ouais. Par ailleurs, il y a même des étudiants québécois qui sont en France. Ça va rebondir en France aussi. Ça rebondit beaucoup en France, cette querelle-là. Alors, des étudiants comme Pierre-Éliott Trudeau, Riopel, qui sont en France, vont écrire une lettre à Duplessis pour dire que c'est odieux de faire ce genre de choses. François Mauriac va, alors, oui, va prendre alors, la plume aussi. Oui, puis il va dire, ah, les gens du Québec, les romans de délit. C'est des petits romans à l'eau de rose, ça. Je ne connais pas très bien, mais je sais que c'est ça. Les romans de délit, ah, ça, c'est ce que les Québécois sont supposés aimer. C'est du romantisme tout à fait pur. Mais dès qu'arrivent des vraies passions humaines dans un film, le bureau de censure du Québec le refuse, refuse les films. Donc, il se paye un peu la... Il se paye la tête des censeurs, de censure, à tout le moins. Voilà, François Mauriac. Puis pour terminer sur l'aspect diplomatique, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a cette lettre, évidemment, de l'ambassadeur à Maurice Duplessis dont vous nous parliez, mais ça le dérange, cet ambassadeur de France au Canada, tant et si bien qu'il va, c'est pas rien, il va décider à Ottawa, à l'ambassade, d'organiser 3 projections du film. Oui. Et même avant l'ambassade, il décide, puis il contacte des gens d'une très grande salle de cinéma à Ottawa pour faire une projection, tout de suite après, là. Mais là, l'archevêque d'Ottawa est tellement puissant qu'il réussit à convaincre le propriétaire de la salle de ne pas le faire. Ouais. Alors, l'ambassadeur organise 3 projections à l'ambassade où il y a beaucoup de journalistes québécois, des critiques d'art, certains hommes politiques, puis des députés du gouvernement fédéral, des députés du Québec à Ottawa, qui viennent voir le film. Alors, et là, ben, le film a été vu par beaucoup de gens. Alors, c'est pour ça que des critiques du Québec, ici, peuvent continuer la chose dans une lutte contre la censure du Québec. Et ça, c'est le beau côté de toute cette controverse, c'est qu'effectivement, il va y avoir pendant quelques jours, quelques semaines, on en a un petit peu parlé, mais un vrai débat qu'il n'y avait pas beaucoup autour de cette censure au cinéma, du cinéma au Québec, avec des réflexions importantes. Là. Par exemple, on l'a à peine esquissé, le fait qu'il y a un deux poids, deux mesures, tout ce qui est film hollywoodien, très, très violent, nous nous disiez-vous il y a quelques minutes, ça passe sans problème, alors qu'il y a un déséquilibre total là, par rapport au cinéma français. Aussitôt qu'on parle de mœurs un petit peu plus libérées, ça passe plus. Oui, parce que au fond, le cinéma français de cette époque-là, si on en juge par les critères habituels de la moralité publique, il est immoral, parce que l'adultère est facilement accepté dans les films français, et ça va être comme ça pendant longtemps. C'est la France, on se libère de la guerre, et là, on a un climat de liberté énorme en France. Alors, tout le cinéma français a cette liberté, pas seulement les films de Prévert et Carnet. Puis là, nous ici, la plupart des films vont passer quand même, hein, mais en perdant une scène ou deux. Mais le problème et ce qui fait que Les Enfants du Paradis deviendra cette histoire formidable de censure, c'est que il y a rien à faire. Pour les censeurs, il y a rien à faire avec ce film-là. On peut pas. C'est pas une scène ou une autre qu'il faut couper. Film. C'est l'ensemble. Ouais. Et c'est souvent le cas pour beaucoup de films. Hein. C'est l'ensemble qui est, d'une certaine façon, immoral par rapport aux critères de l'époque. Ouais. Il va être interdit de projection sur les grands écrans du Québec jusqu'en 1967. Les Enfants du Paradis, ça paraît invraisemblable. Pourquoi? Pourquoi ce sera si long? En fait, c'est que personne ne s'intéresse vraiment au film après les années 50. À la fin des années 50, en France, c'est la Nouvelle Vague qui prend toute la place. Ouais. Et même si des gens de la Nouvelle Vague, comme Truffaut, aiment beaucoup Prévert, et aiment beaucoup ce film-là en particulier, mais c'est leurs films qui prennent toute la place dans les salles. Alors, comme les personnes dans les salles est intéressée à un film en noir et blanc, la couleur est déjà très, très répandue, un film en noir et blanc qui dure plus de 3 heures, le film va quand même être diffusé ici très rapidement. Moi, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était à Radio-Canada, à une émission Ciné-Club, à la télé, en 1962, probablement. Mais là, après, la censure va complètement être transformée au Québec. Et puis là, des gens vont dire, oh, même s'il y a des copies de 16 mm qui circulaient partout dans les ciné-clubs, moi, je pense que je l'ai passé dans un ciné-club au Collège à Québec en 65. Et là, on dit, on va quand même à le faire passer au bureau de censure. Oui. Mais c'est une époque où le bureau de censure est en complète transformation. La loi va être changée en 67. Et c'est dans ce cadre-là que là, des nouvelles copies, 35 mm, les bonnes copies du film vont être officiellement acceptées. Mais ça fait 10 ans que le film circule un peu partout. Yves Levert, critique de cinéma, professeur de cinéma, auteur, je le rappelle, du Dictionnaire de la censure au Québec, également d'Anastasia ou la censure au Québec, également auteur de ce classique maintenant, l'histoire générale du cinéma au Québec. Merci beaucoup de votre participation à l'émission, M. Levert. C'est un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.